Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par Devenir Entrepreneur, une plateforme web qui vous présente les défis et bonheurs du métier d'entrepreneur. Découvrez des entrepreneurs ambitieux et leurs stratégies de croissance à l'échelle locale et internationale en visitant devenirentrepreneur.com. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le destin tragique du journaliste et homme politique québécois, Pierre Laporte. Cessons d'être des pauvres satisfaits. Autrement, le Québec continuera, rappelez-vous la description de Gérard Filion, d'être une fille entretenue qui veut passer pour vertueuse. Pierre Laporte pense à l'avenir économique du Québec en particulier, quand il prononce ce discours à titre de candidat dans la course à la direction du Parti libéral du Québec en novembre 1969. Mais moins d'un an plus tard, le parcours politique de Pierre Laporte va être brutalement interrompu. Victime du Front de libération du Québec, son corps est retrouvé dans le coffre d'une voiture en octobre 1970, en pleine crise d'octobre. Cet assassinat politique de Pierre Laporte va profondément marquer l'histoire du Québec, en même temps qu'il éclipsera paradoxalement le legs qu'il nous a laissé comme journaliste et comme homme politique. La mort de Pierre Laporte nous a tous atterrés. C'est tellement barbare, ce gaspillage atroce d'une vie qui, sur le plan public comme sur le plan privé, était si remplie et juste au sommet de la maturité. Nous pouvons à peine imaginer ce qu'a pu être l'angoisse de sa famille depuis une semaine et ce que peut être leur douleur maintenant qu'ils savent que toutes ces heures de cauchemar étaient en réalité celles d'une terrible agonie. Le gouvernement québécois se trouve privé brutalement de son leader parlementaire et du ministre peut-être le plus vigoureux et sûrement le plus expérimenté du cabinet. Le domaine public est donc lui aussi grandement appauvri par cette disparition. Ceux qui, froidement et délibérément, ont exécuté M. Laporte, après l'avoir vu vivre et espérer pendant tant de jours, sont des êtres inhumains. Ils ont importé ici, dans une société qui ne le justifie absolument pas, un fanatisme glacial et des méthodes de chantage à l'assassinat qui sont celles d'une jungle sans issue. On ne peut que leur souhaiter le pire des châtiments, de vivre assez longtemps pour voir qu'ils ne représentent rien ni personne de valable, que leurs gestes étaient non seulement criminels, mais insensés. S'ils ont vraiment cru avoir une cause, ils l'ont tué en même temps que Pierre Laporte. Le chef du Parti québécois, René Lévesque, le 18 octobre 1970, pour nous parler du parcours de Pierre Laporte comme journaliste, puis comme politicien. Je reçois Jean-Charles Panton, qui est historien politologue, qui a signé la biographie Pierre Laporte, publiée aux éditions Septentrion en 2012. Jean-Charles Panton, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de consacrer une biographie à Pierre Laporte? Qu'est-ce qui, chez lui, vous intéresse? Je suis quelqu'un d'assez curieux au départ et donc on parlait beaucoup de la mort de Pierre Laporte, mais de sa vie, de ce qu'il était, de ce qu'il avait fait. On n'avait que de faibles échos, entre autres de sa carrière journalistique. Et à partir de là, j'ai voulu fouiller, j'ai voulu explorer le sujet, explorer sa vie. Et il a fallu partir de zéro pratiquement. Il n'y avait pas beaucoup d'archives non plus. Donc, c'était tout un travail. Mais je voulais qu'on puisse retracer, en fait, tout le chemin, tout le parcours de Pierre Laporte. Parce que c'est vrai, je l'évoquais dès le début de l'émission, mais il y a un fabuleux paradoxe quand on s'intéresse à Pierre Laporte, c'est que cette mort-là, qui est pas banale, des assassinats politiques, c'est jamais banal, mais il n'y en a pas eu beaucoup au Québec. Cette mort est tellement tragique qu'elle a un peu éclipsé tout le personnage, au fond. Absolument. En fait, on s'est beaucoup attardé aux détails, en fait, rapport du coroner, la manière dont ça s'est fait, de quelle manière il est mort, par strangulation, accidentellement ou pas. Et donc, ça a brassé beaucoup de choses. Les acteurs qui étaient là, ceux qui l'ont assassiné comme tel, les Filkis qui étaient présents, ont eu des versions différentes. Et donc, ça a amené à toute une histoire où il y avait intrigue, complot, etc. Et ça a carrément obnubilé tout le reste. Comme tel. Ça représente quoi dans l'histoire du Québec? Cet assassinat politique de Pierre Laporte. Puis je dirais même plus profondément, je pense à un article qu'avait écrit Nathalie Petrovski, puis je sais que vous avez consulté cet article-là, oui. Dans notre psyché collective, au fond. Bien, ce que dit Nathalie Petrovski, c'est tout à fait exact. C'est un vilain secret de famille, c'est une défaite, c'est un échec, c'est quelque chose dont on ne veut pas parler collectivement. Ouais. Échec des politiciens de ne pas avoir sauvé la vie de Pierre Laporte. On entend René Lévesque parler de son ami. Lévesque a tenté de fonder une coalition pour tenter de convaincre le gouvernement de négocier parce que le gouvernement Bourassa et Trudeau affichaient la ligne dure face aux félquistes. On a tenté donc de lui sauver la vie, on n'a pas réussi. Donc, c'est un véritable échec sur tous les plans dans cette histoire-là de la fin de vie de Pierre Laporte. On veut oublier ça. On veut l'oublier, on veut le balayer sous le tapis. Ouais. On n'apprécie pas comme tel. Il faut dire que les impacts politiques aussi sont grands à ce décès-là comme tel. Ouais. Il y a eu certaines... Après son décès, il y a eu certaines allégations aussi quant à l'existence possible de liens entre Pierre Laporte et le crime organisé. Je ne sais pas si ça participe aussi de l'espèce d'oubli, dans quelle mesure ça participe à cette espèce d'oubli qu'on a de Pierre Laporte aujourd'hui, mais en tout cas sur les faits, avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Jean-Charles Paneton? Je dirais que certains organisateurs, faisons une histoire très courte parce qu'on pourrait se perdre facilement dans tous les détails de tout ça. Il y aura eu d'ailleurs une commission d'enquête qui s'est penchée là-dessus. On a établi que Pierre Laporte avait à un moment donné ou à un autre rencontré effectivement des gens qui étaient liés au crime organisé à Montréal. Mais ce sont des rencontres qui ont été très, très brèves et Laporte, semble-t-il, n'était pas assez au courant. Est-ce que Laporte était coupable? Claude Ryan, éditorialiste au Devoir à l'époque, dira... Est-ce que Laporte a été imprudent? Très certainement. Est-ce qu'il était corrompu? Non, pas du tout. Ouais. Mais à partir de ça, c'est devenu politique parce que c'est entré à l'Assemblée nationale par la porte de l'opposition. Ce sont les péquistes qui vont amener l'histoire à l'Assemblée nationale avec l'aide de Jean-Pierre Charbonneau. Journaliste à ce moment-là. Qui est journaliste au Devoir à ce moment-là et qui va contre l'avis même de Claude Ryan. Il le dit lui-même, M. Charbonneau. Ryan ne veut pas aller dans ce sens-là parce que de toute façon, dit-il, qu'est-ce que ça donnerait? L'homme est décédé. Donc, c'est une enquête, salissage de nom après son décès. Donc, est-ce que c'est intéressant d'aller là? Donc, Ryan disait non. Charbonneau a décidé de court-circuiter l'autorité de son éditorialiste, du rédacteur en chef du Devoir comme tel. Donc, en gros, commission d'enquête qui va donner quel résultat pour finir là-dessus? Commission d'enquête qui va blanchir, en fait, Pierre Laporte en disant qu'il n'y a aucune véritable preuve qui permette d'établir la culpabilité de Pierre Laporte. Bien sûr, en l'absence du principal intéressé, il est difficile de faire la lumière sur toute cette histoire-là. Ouais. Alors, commençons par le commencement. Pour retracer un peu ce destin politique, mais qui va commencer par une action journalistique vraiment éclatante. Un mot rapide d'abord sur ses origines, pour voir d'où il vient, Pierre Laporte. Il est fils de médecin, il habite sur le plateau avant que ça devienne le plateau Mont-Royal qu'on connaît aujourd'hui. Son père est médecin, il s'occupe des maladies, on dirait les maladies honteuses à l'époque. Donc, Montréal, qui était une ville où il y avait beaucoup de prostitution et tout. Donc, lui est un homme qui travaille auprès des prostituées notamment. Donc, c'est un homme de terrain. Donc, Pierre Laporte, bien sûr, milieu-là, il va faire le collège classique comme le font tout le monde. Il sera au collège de l'Assomption à ce moment-là. Il va tenter à un certain moment donné une carrière peut-être religieuse. Il va entreprendre son à titre de séminariste et tout, ce qu'il ne poursuivra pas. Et puis par la suite, il va faire des études en droit à l'Université de Montréal, comme beaucoup de jeunes de sa génération de jeunes bourgeois, entre guillemets. Et donc, c'est à partir de là qu'il va commencer à faire du journalisme, d'ailleurs. À l'Université de Montréal, il va travailler dans le journal étudiant. Il va même aussi commencer à faire ses premières chroniques étudiantes dans le Devoir. C'est comme ça qu'il va commencer sa carrière journalistique. Et assez vite, ça va devenir une vedette, là. Donc, sa réputation croît assez rapidement. À un moment donné, c'est vraiment une star du journalisme au Québec. Oui, il va commencer comme tout le monde, mais rapidement, il va donc devenir correspondant parlementaire en 1948. Il le restera d'ailleurs jusqu'en 1961. Et dès le départ, il va pratiquer un type de journalisme qui est assez différent de ce que fait habituellement le correspondant parlementaire à Québec, en fait, des journalistes des autres journaux. Bien sûr, il va relater l'ensemble de ce qui s'y passe de manière très factuelle, comme le font tous les autres journalistes. Par contre, il va développer d'autres chroniques dans lesquelles il va se prononcer sur certains types de réformes, faire des historiques, des bilans, des dossiers, monter des dossiers, tout ça, dans lesquels il va s'exprimer souvent de manière assez claire et dure contre le gouvernement Duplessis qui est en place à ce moment-là. Il faut mentionner toutefois qu'il peut se permettre de faire ce travail-là parce qu'il travaille au Devoir, d'ailleurs, et qu'avec lui, il y a André Laurendeau qui travaille et il y a aussi le directeur du Devoir, Gérard Filion, qui est là. Et ce sont des gens qui... Donc, une équipe éditoriale très, très forte et ça permet à Laporte de pouvoir faire un travail aussi critique que celui-là, ce que d'autres médias ne permettaient pas. Parce que le Devoir, à l'époque, mène ce combat, en fait, contre le duplessisme, les excès du duplessisme, l'autoritarisme de Duplessis. C'est paradoxal, mais le Devoir va appuyer appuyé en 1939, en 52, en 48 et en 52, va appuyer le gouvernement, va appuyer les unionistes, le gouvernement Duplessis, aux élections. Mais ça ne les empêche pas d'être très, très critiques, de demeurer très critiques par rapport au gouvernement et de soulever toutes les faiblesses de ce gouvernement-là. Autoritarisme, pas beaucoup de place pour les syndicats, pas beaucoup de place non plus pour les travailleurs, l'exploitation des richesses naturelles est problématique. Bon, tous ces dossiers-là qui leur apparaissent problématiques, ils vont le dénoncer assez largement dans les pages même du Devoir. Et Pierre Laporte a un poids réel parce que, encore une fois, c'est une vedette. Il est invité à la radio, à la télé, il est partout. Il commente l'actualité politique à Québec. Il est partout parce que son opposition, disons, à Duplessis fait en sorte qu'il y a des tensions entre le premier ministre lui-même et ce journaliste-là précisément. Donc, ça en fait une vedette d'office, évidemment, et aussi parce qu'il travaille très fort, ses analyses sont très poussées, sont très pointues. Et évidemment, on veut l'inviter partout, comme à Radio-Canada. Ouais. René Lévesque est animateur à correspondance, différentes émissions de Radio-Canada va l'inviter fréquemment pour qu'il puisse relater un peu ce qui se passe sur la colline parlementaire québécoise. Et tout à côté du brillant analyste qu'il est, un journaliste d'enquête, un des pionniers, en fait, au Québec. Mais c'est là vraiment qu'il va probablement davantage encore se distinguer ou en tout cas marquer l'histoire du Québec avec ses grandes enquêtes. Voilà, il ne s'en tient pas qu'aux chroniques, aux analyses qu'il va le faire, qui sont parfois très dures. Il va aller plus loin, il va se lancer dans de véritables enquêtes. On ne peut pas toutes les énumérer, mais parlons d'abord de ce... Il fait une enquête sur la construction d'un barrage, un chantier, en fait, sur la rivière Bercimis, où là, il va dénoncer du gaspillage, de l'incompétence, tout un système aussi de commissions qui font gonfler de façon incroyable les coûts de construction, en fait, de ce barrage-là comme tel. Et ça va indisposer profondément le premier ministre Maurice Duplessis. Mais tout ça est bien documenté. Et donc, il a ce, dira Gérard Filion, son patron, il a ce flair, la portance. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui écrit bien au départ, il est concis, il a toutes les qualités de base d'un bon journaliste. Mais ce qu'il a en plus, c'est qu'il a un flair, il a une capacité aussi d'entrer en contact avec les gens assez facilement. Comme vous le savez, le 16 juin dernier, j'ai réclamé une enquête royale sur l'affaire du gaz naturel du Québec. M. Duplessis refuse cette enquête, puisqu'il évite de répondre aux questions précises que je lui ai posées dans l'intérêt public, puisqu'il s'obstine à cacher à la population ce qu'elle est en droit de connaître, il est impératif que la province de Québec ait à sa tête un gouvernement qui sera prêt à accorder, à ordonner cette enquête royale que je réclame. En conséquence, conscient de mes responsabilités de chef du Parti libéral provincial et considérant que le gouvernement de l'Union nationale est indigne de présider aux destinées de notre province, je demande la démission du gouvernement de l'Union nationale, la dissolution de la législature et des élections générales immédiates. Le chef du Parti libéral du Québec, Jean Lesage, en juillet 1958, le coup de maître de Pierre Laporte, Jean-Charles Panton, ça reste cette enquête qu'il va mener en 58, justement, qui va conduire au scandale du gaz naturel. Racontez-nous comment il en arrive, Pierre Laporte, à remonter aux sources de cette affaire-là. De quoi on parle, en fait, quand on parle du scandale du gaz naturel? Essentiellement, il faut dire que la compagnie de gaz naturel est publique à l'époque. Donc, ça appartient au gouvernement et on décide de la privatiser. Donc, le gouvernement Duplessis décide de privatiser cette compagnie-là. Et ce qui arrive, c'est que l'information, en fait, cette information privilégiée-là, avant qu'on la privatise, avant qu'elle soit achetée par une autre compagnie, elle est communiquée, cette information-là, à certains ministres et à certains conseillers législatifs là, qui sont un peu le pendant des sénateurs d'aujourd'hui qu'on retrouve à Ottawa. Et donc, un ensemble de personnages gravitant autour du gouvernement et au sein même du gouvernement vont être au courant de ça et donc vont acheter des actions de cette compagnie-là qui va gagner, évidemment, quand elle sera la compagnie qui achète, elle va gagner énormément de valeur, si bien que ce sont des millions de dollars de bénéfices qui vont être faits par une poignée de gens qui ont bénéficié de cette information privilégiée-là. Et cette poignée de gens, c'est du délit d'initié dont on parle. Absolument. Voilà. Cette poignée de gens-là, il y a parmi eux des poids lourds. On se rapproche de Maurice Duplessis, des poids lourds du gouvernement Duplessis à l'époque. Jean Lesage, on entendait, là, il y a un instant, demande, c'est tellement grave pour lui qu'il demande la démission du gouvernement Duplessis. Ce ne sera pas le cas, mais dans les faits, quel impact va avoir le scandale du gaz naturel sur ce gouvernement de Maurice Duplessis? Alors, ça ébranle fortement le gouvernement. Duplessis va rager, va exclure même le journaliste du Devoir à l'époque lors d'une conférence de presse pour se venger du Devoir qui publie ça. Les journalistes et même Gérard Filion vont être accusés. On va être accusés, donc vont devoir se déplacer. Il y a toute une aventure qui se passe. Ils doivent se déplacer dans Charlevoix parce que c'est là-bas qu'ils sont accusés et tout. Donc, on va tenter de les museler, de les défaire taire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le début de la fin du gouvernement Duplessis parce que les gens comprennent finalement toute la corruption et le problème qu'on retrouve avec ce gouvernement-là qui a été longtemps dénoncé au fil des années 50, mais où on n'avait pas vraiment de prise, on n'avait pas vraiment, si vous voulez, matérialisé comment la corruption se passait au sein du gouvernement. Et là, ce cas-là précis permet justement de dire, ben oui, il y a eu corruption et les montants en cause sont élevés, sont très, très importants. Et donc, c'est le début de la fin du gouvernement Duplessis. Venons-en à la période politique de Pierre Laporte. Dans quel contexte il décide lui-même, donc il est à Québec, mais comme journaliste, dans quel contexte il décide de faire le saut en politique active? Laporte a toujours, depuis le début des années 50, a toujours milité au sein du comité de moralité publique à Montréal. Donc, il a toujours été un fait de l'action politique, comme Gérard Filion, d'ailleurs, et André Laurendeau en avait fait. Là. André Laurendeau avait été au Bloc populaire, etc. Donc, à cette époque, cette équipe-là a déjà pas mal d'actions politiques à son actif. Il va décider en 1956, aux élections générales, de se présenter comme candidat indépendant. Il va se présenter dans Laurier et malheureusement, il va être battu par 7000 quelques cent voix, donc battu de façon très importante. Ouais. Ça va se passer plus ou moins bien. On vole des boîtes de scrutin, etc. Il y a de la violence dans ces élections-là et tout. Et donc, il ne passera pas. Par la suite, il va se représenter aux côtés de Jean Drapeau, là non plus, aux élections municipales en 58, et ça, il ne passera pas non plus. Et donc, si bien qu'il ne se présente pas en 60, les fameuses élections où les libéraux vont emporter, ils vont former le gouvernement Lesage et lancer la fameuse Révolution tranquille, il va attendre. Et donc, c'est en 1961, donc, lors d'une élection partielle, qu'il va décider de se présenter et qu'il va être élu aux côtés de Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Et quel genre d'importance il aura, une fois élu dans ce gouvernement Lesage, quelle importance il aura dans ce gouvernement de Jean Lesage? Pierre Laporte est le bras droit, on dit l'homme à tout faire de Jean Lesage. Jean Lesage, une des premières personnes qu'il appelle le matin en se levant, c'est Pierre Laporte. Pierre Laporte habite à proximité à Québec là, de la résidence de Jean Lesage. Et avant même le déjeuner, ils se sont déjà vus, donc ils se sont déjà parlé. Laporte est appelé à répondre donc en tout temps aux demandes du premier ministre et à régler un paquet de problèmes. Donc, il est très, très proche. Donc, ça lui vaudra un premier ministère, le ministère des Affaires municipales, où il va tenter, grosso modo, de faire un ménage dans les structures. Il y a énormément de municipalités, de villages, de villes. Il va lancer, en fait, toute la fusion des municipalités sur l'île de Laval. Donc, Laval deviendra Laval parce que Laporte aura travaillé à ça. Et donc, ensuite, il aura le ministère, au départ de Georges-Aimé de Lapalme, il va occuper le ministère des Affaires culturelles par la suite, où il va tenter de lancer une réforme. Mais une réforme qui n'aboutira pas pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce que les élections 66 approchent et donc il n'aura pas le temps de compléter cette réforme-là. Ouais. Il va, en 70, en fait, il va participer à la course. Bon, Lesage va perdre le pouvoir, l'Union nationale revient au pouvoir en 66. 70, Pierre Laporte décide d'être candidat dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Comment ça va se passer? Ça se passe pas très, très bien. C'est très difficile. Robert Bourassa a une longueur d'avance. Robert Bourassa est appuyé par Jean Lesage, le chef sortant, est appuyé par les fédéraux, les libéraux fédéraux, qui ont un poids lourd au sein du Parti libéral du Québec à cette époque-là. Et donc, on va littéralement affamer Pierre Laporte. On va s'arranger pour qu'il n'ait pas de source de financement. Et donc, ça va être une campagne très dure. Il bénéficie tout de même de l'appui de 22 députés. Ce n'est pas rien. Mais on juge que Laporte est trop nationaliste. Et on veut miser sur un jeune candidat comme Robert Bourassa, dont on a dressé le profil. Là. On veut un jeune économiste et tout. Et c'est Robert Bourassa qui va l'emporter au la main. Et ce sera une défaite très dure. Il sera très amer, Pierre Laporte, par la suite. Et ça sera un coup dur pour lui. Ouais. Et le 10 octobre 1970, là, tout bascule. On est en pleine crise d'octobre et Pierre Laporte est kidnappé par le Front de libération du Québec. Nous avons reçu un appel ici à la salle des dépêches de CKC, nous disant qu'il y avait un message dans le hall Port-Royal à la place des Arts. Je m'y suis rendu, j'ai trouvé effectivement ce message. Dans ce message, il était indiqué que l'on retrouverait le cadavre de Pierre Laporte dans une automobile ou une Chevrolet. On spécifiait la plaque d'immatriculation, la couleur de l'automobile. Et également, on nous avait même donné un plan pour s'y rendre afin qu'on ne fasse pas fausse route. Maintenant, quand vous êtes arrivé à Saint-Hubert, comment les choses se sont-elles passées? Quand je suis arrivé à Saint-Hubert, j'ai trouvé la voiture. J'ai vérifié, c'était bien la voiture dont le numéro de plaque d'immatriculation était inscrit sur le communiqué. Par après, j'ai appelé les quartiers généraux de la Sûreté du Québec, qui, eux, ont dépêché sur les lieux une escouade complète, une dizaine de policiers armés jusqu'aux dents. Une autre chose qui me faisait croire qu'il y avait quelque chose d'assez lourd dans le coffre de l'automobile, on voyait que la malle arrière penchait énormément vers le sol. Du moins, j'étais presque certain, avant que l'on ouvre le coffre arrière, que M. Laporte s'y trouvait, parce que tous les détails émis dans le communiqué correspondaient avec les faits. Michel Saint-Louis, journaliste à CKAC à l'époque, qui explique le 18 octobre 1970 dans quelles conditions est retrouvé le corps de Pierre Laporte, enlevé le 10 octobre par le FLQ Jean-Charles Paneton, avec cette fin tragique dont on parlait au début de l'émission, cette mort, cet assassinat politique horrible et qui a marqué profondément l'histoire du Québec. Avec le recul, qu'est-ce qu'on peut dire sur son enlèvement? Pourquoi le FLQ décide d'enlever Pierre Laporte? Sur les circonstances de sa mort? Rapidement, sur l'enlèvement, ce que voulaient faire les FELQistes, c'est peut-être plus d'aller enlever quelqu'un sur l'île, un diplomate comme tel. Je pense que c'est le diplomate américain qu'on voulait enlever. Et comme l'île avait été barricadée littéralement à la suite d'enlèvement du diplomate britannique, l'île de Montréal. M. Cross, l'île de Montréal, on s'est rabattu sur Pierre Laporte. Bon, ce qu'il faut dire, Robert Bourassa, qui était premier ministre, était à New York à ce moment-là, si bien que le vice-premier ministre était Pierre Laporte. Ouais. Et à ce moment-là, Pierre Laporte jouait avec son neveu dans la cour. Et donc, ils l'ont observé, je pense, une journée et tout. Et puis, ils ont procédé à l'enlèvement. Ils sont arrivés avec les armes et tout. Et Laporte ne voulait pas que son neveu soit blessé d'aucune manière. Et donc, il a accepté tout de suite d'entrer dans la voiture et donc il a été enlevé de cette façon-là. Il se passe quoi dans cette semaine, au fond, entre le 10 et le 18 octobre? Bien, il est évidemment retenu prisonnier dans une maison où on est très mal, où les FELQistes sont très, très mal organisés. On mange très, très peu. Laporte a un peu d'argent sur lui qu'il va donner aux FELQistes pour qu'il achète un peu de nourriture qu'il puisse se nourrir. Mais somme toute, on ne mange pas beaucoup. Laporte va s'affaiblir. Laporte est désespéré. Et puis, au moment où il entend à la radio, parce que les FELQistes l'écoutent, au moment où il entend la déclaration de la loi des mesures de guerre par le gouvernement Trudeau, il est complètement découragé. Il sait ce que ça veut dire, semble-t-il. Et là, il va tenter, parce qu'il a les yeux bandés et tout, il va tenter de sortir. Il va se précipiter dans une fenêtre, se blesser, il va saigner abondamment sans que sa vie soit en danger. Sauf qu'il a beaucoup crié. Les FELQistes, à ce moment-là, ont peur d'être repérés et ils vont décider de le transférer dans un autre site. Et c'est au moment où ils veulent le transférer, le faire entrer dans le coffre. Ils ne veulent pas qu'il soit dans la voiture pour qu'il ne soit pas repérable. Et donc, au moment où ils veulent le mettre dans le coffre, Laporte pense qu'ils veulent le tuer. Il va se débattre et tout. Et puis, il portait au cou une chaîne. Et puis, c'est cette chaîne-là, en tentant de le maîtriser, qui va finalement en venir à bout et le tuer. Ce serait accidentel. À l'époque, les FELQistes ne voulaient pas que ce soit présenté comme étant accidentel. On voulait que, pour bien servir la cause, qu'on dise qu'on l'avait assassiné comme tel. Jean-Charles Paneton, historien, politologue, auteur, je le rappelle, de la biographie Pierre Laporte, publiée aux éditions Septentrion en 2012. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.